Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Ludologie, l'épisode numéro 44. Celui-ci s'intitule « Comment prépare-t-on un jeu ?». Alors comme d'habitude, on va essayer de parler d'un peu tous les supports, mais aujourd'hui on aura quand même une focalisation sur le jeu de rôle et le GN en particulier, car notre invité est Xavier Becquerel de la Guilde de Bretagne. Donc je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, merci déjà Céline de m'avoir invité. Donc je suis Xavier, secrétaire adjoint de la Guilde de Bretagne, GNiste depuis une bonne vingtaine d'années, rôliste depuis une bonne trentaine d'années également. Donc un peu de bagage peut-être pour parler, avec des expériences assez diverses et variées. Et donc bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour commencer, donc comment on prépare un jeu ? Alors le GN, je pense que c'est déjà un mode de jeu assez particulier. Je pense que tous les organisateurs de GN, de jeux de rôle grandeur nature, faut préciser aussi. Par quoi on commence en fait quand on prépare un GN, au-delà peut-être d'une partie de jeu de rôle par exemple ? Moi tu vois, j'aurais plutôt parlé du jeu de rôle en premier, parce que finalement le GN c'est du jeu de rôle. La seule différence effectivement, ça va être la réalisation physique de la chose. Finalement, un personnage de jeu de rôle grandeur nature, c'est un personnage de jeu de rôle qui est scénarisé, qui a une histoire, qui est développé dans un contexte particulier, donc qui n'est pas du tout différent d'un personnage de jeu de rôle. Il va peut-être être plus développé sur certains aspects psychologiques, on va dire, qui ne sont pas forcément toujours très développés quand on se lance dans une partie de jeu de rôle, surtout si c'est une partie minute. Mais il y a quand même des similitudes très communes. Est-ce que ça vous va ? Est-ce qu'on continue sur le jeu de rôle ou on se replace sur le GN ? J'imagine du coup que pour le jeu de rôle et le jeu de rôle grandeur nature, il y a aussi des différences de délai de préparation. Je ne sais pas. Là, ça va être une question difficile à répondre parce que finalement, ta partie de jeu de rôle, tu peux la commencer parfois juste 2 minutes après avoir décidé de la faire, si le maître de jeu a des scénarios en stock. Par contre, oui, ton GN, forcément, ça va être quelque chose de plus préparé. Il y a peu de chances qu'on t'invite à la dernière minute sur un jeu, même si ça se fait de plus en plus, parce que les chances désistent de plus en plus. Mais oui, en général, sur un GN, tu as au moins un bon mois pour te préparer en ayant ton background complet et toutes les indications possibles, inimaginables, de jeu. Et je me rends compte qu'on a oublié les formes hybrides, ou en tout cas entre ces deux formes de jeu, que sont la murder party et tout ce qui est un peu de l'ordre du freeform, même si le freeform ça veut dire tout et n'importe quoi sans mauvais jugement sur le GN freeform. Alors moi tu vois, je vais pas du tout faire de différence, la murder, le freeform, c'est du GN. Voilà, c'est des sous-catégories qui en termes de murder, les préparations vont être les mêmes que sur un GN. Mais en mode allégé, vraisemblablement, surtout sur ce qui est costume et puis l'écriture des rôles, par contre, peut être aussi complexe que sur un GN. Et le deep form, le free form, là, en termes de préparation, je vais moins pouvoir t'en parler parce que je maîtrise beaucoup moins, mais je pense que ça demande peut-être moins de préparation, puisqu'en général, on est plutôt sur soit des scénars totalement transparents, c'est-à-dire que les joueurs savent déjà tout ce qui va se passer, soit sur des formes où, au contraire, le joueur est lâché sans information. Et va devoir se débrouiller avec l'environnement et ce qui se passe autour. Et du coup, j'imagine que pour un jeu de rôle grandeur nature, et les murders du coup en font partie aussi, il y a toute une contrainte d'organisation à base de trouver les salles ou les lieux, à base d'avoir les contacts justement pour que ça se passe bien. Alors, comment crée-t-on un GN ? On va peut-être pas parler de ça du coup, puisque c'est un peu ce qu'on aborde. On a une idée de départ. un univers, une envie de scénario à développer. On trouve des copains pour faire ça parce que tout seul, c'est assez difficile, même s'il y a certains grands malades qui écrivent des murders tout seuls dans leur coin et qui passent un certain nombre de temps pour aboutir à des résultats parfois très, très, très, très aboutis. Donc on trouve son univers, son scénario, puis en général on va vite se rendre compte qu'il va falloir un lieu, comme tu le disais, et là ben, on cherche, on utilise beaucoup les réseaux associatifs pour découvrir les lieux disponibles, on essaie de contacter aussi les administrations, les mairies, les départements pour voir ce qui est disponible, on essaie également sur le bon coin, tout ce qui peut être gîte, en location également, mais j'aurais tendance à dire que le bouche à oreille, parfois ça fait très bien l'affaire, et c'est comme ça qu'on arrive à dénicher parfois des sites un peu exceptionnels et pas forcément exploités. Ce qui me pousse à poser une autre question en lien justement avec ce lieu, parfois difficile à avoir. Je pense par exemple à Thomas B, qu'on a pu entendre sur le GN, qui parlait de jeux de rôle dans un bateau. Effectivement, tu te dis comment il a chopé ça. Ce qui me pose, c'est quoi peut-être un bon lieu pour faire un GN ? Et aussi, par la même occasion, comment les propriétaires accueillent aussi des gens qui disent « Allez, on va se prendre pour des elfes dans votre propriété, ça va être cool. » Alors, un bon lieu pour un GN, c'est un lieu adapté au jeu. Déjà, donc un lieu dont le décorum, l'apparence générale se prête à l'univers général ambiant. Généralement, c'est un lieu aussi avec l'électricité et l'eau courante. On devient de moins en moins route, de moins en moins camping. Et c'est vrai qu'un jeu aujourd'hui sans électricité et sans eau, ça se voit pas. C'est pratiquement impossible. Il y a des conditions sanitaires à respecter. On peut pas, à moins de faire ça à quatre copains au fond d'un champ. Il y a des obligations un peu pour assurer le confort des joueurs, même si la douche est parfois absente. Les relations avec les propriétaires. Si le propriétaire prête le lieu, c'est qu'il y a des gens qui ont su lui parler et vendre le projet correctement. On a une fédération nationale dont la vocation principale est la promotion du show troll Croix de Nature qui nous aide beaucoup. On est quand même loin de l'image des années 90 avec les affaires de Carpentras. Les gens regardent beaucoup plus bienveillants sur ce qui peut se passer. Et on a des assurances qui font des assurances et des expériences qui montrent que les propriétaires se lâchent assez facilement pour prêter les lieux. Parfois, le problème va être plutôt au niveau du tarif que sur la difficulté d'avoir des lieux. Même si j'ai entendu dire qu'en région parisienne, certains lieux étaient devenus difficiles à louer. Parce que notre activité de location de lieux pour faire une activité particulière rentre parfois en conflit avec d'autres activités, comme certains tournages qui peuvent avoir lieu dans certaines maisons, de jours particuliers, des tournages. Voilà, et les propriétaires du coup n'ont pas envie de voir forcément leur maison utilisée dans ce garde de domaine, et des fois ils vont pas écouter assez longtemps leur interlocuteur pour prêter leur lieu. On arrive même maintenant à avoir des propriétaires qui contactent des gens pour avoir des GN. Là, Arnaud de Roubaix du Camp du Dragon, le lieu de sa prochaine campagne historique, il a été démarché par la propriétaire d'un château qui voulait faire une animation sur son château pour le mettre en valeur et donner un peu un coup de projecteur dessus. Du coup, ouais, c'est un peu la question que j'allais poser. Comment ça se passe aussi ? J'imagine qu'il y a des fois où on a un lieu. Et un lieu qui a la classe, on veut en faire quelque chose. Et est-ce qu'il arrive du coup de construire un GN autour de ce lieu-là, autour de son ambiance ? Comment ça se passe ? Alors c'est tout à fait c'est une possibilité tout à fait probable. Après, il faut réussir à trouver le lieu et avoir l'équipe d'orga motivée et disponible pour organiser derrière. On s'est retrouvé un peu à la guilde dans ce cas de figure-là. On a fait une animation au château de la Hunaudée. On a récupéré l'utilisation du château pour un week-end. On a galéré pendant plusieurs mois pour trouver des gens pour faire un GN à l'intérieur. Et au final, on s'est dit, est-ce qu'on va pas organiser un jeu qu'on va écrire autour du lieu pour le faire ? Finalement, c'était trop de travail par rapport à notre structure pour le faire. Mais oui, c'est tout à fait envisageable. Et à titre personnel, je m'étais déjà lancé dans certains projets qui n'ont pas abouti juste à cause d'un lieu. Et tout à l'heure, tu parlais d'eau et d'électricité. Moi, je sais que pour ma part, je pensais, avant d'avoir commencé le podcast il y a 2 ans, ne jamais avoir fait de GN. Et en fait, si j'en avais fait un, c'était à Tonquédec, au château de Tonquédec, dans les Côtes d'Armor. Et effectivement, par contre, il n'y avait pas d'eau et d'électricité. Donc c'était à la route, on avait des cabanes qui étaient construites, on avait une vague abri en pierre qui nous servait notamment d'abri quand il pleuvait, parce que certes les cabanes étaient plutôt bien construites, mais c'était pas forcément le top quand la terre se transformait en gadoue. Mais ça pose la question de sécurité. Alors parce que moi j'avais 14 piges, donc c'était un peu en mode YOLO comme disent les jeunes. On ne vit qu'une fois en gros. Et on prend tous les risques. Et du coup au niveau sécurité, quels sont les impératifs pour organiser un bon GN et notamment les impératifs vis-à-vis du lieu, parce qu'il faut protéger les gens mais aussi protéger le lieu. Alors bah, c'est déjà respecter le lieu dans lequel on joue, que ce soit la partie naturelle ou la partie construite, on ne va pas dégrader le lieu dans lequel on joue, on ne tague pas les murs, on ne passe pas de la crise sur le billard, de la salle à manger comme ça a pu être fait une fois sur une nuit du huis clos. On est respectueux de l'environnement, on essaie d'être respectueux de l'environnement au sens large. Après, la sécurité se joue au niveau des orgas, effectivement, de ne pas mettre l'intégrité physique des joueurs en danger. Donc effectivement, s'il y a un ravin, et bien, il faut le baliser clairement, mettre du rubalise, interdire les zones dangereuses, et faire tout ce que les gens responsables font. J'aurais tendance à dire, aujourd'hui, les GNistes sont des gens responsables. Les débutants qui ne sont pas en contact avec des anciens ont peut-être parfois certains comportements un peu plus à risque, mais de manière générale, on est toujours sur des événements assurés et où effectivement chaque organisateur et président d'association prend ses responsabilités en cas d'assurance, car je rappelle que les présidents d'association sont responsables pénalement en cas de souci. Donc c'est des choses avec lesquelles on rigole pas. Voilà, surtout que voilà, en France, on fait des murders à une dizaine de personnes, mais on fait aussi certains GN à plus de 1500 personnes, où effectivement, là, il faut s'assurer que tout soit en bonne et due forme et que personne ne se mette en danger, même si les accidents banals et communs arrivent comme partout. Alors, tu viens de parler de GN à 1500 personnes. Moi, j'ai le vertige quand j'entends de tels chiffres. Alors, on peut s'imaginer qu'un GN qui regroupe une dizaine de joueurs et de joueuses... Alors, c'est déjà costaud à organiser, mais on peut un peu s'y prendre en essayant d'y aller un petit peu la fleur au fusil, j'imagine. Mais c'est déjà compliqué. Alors, 1500, ça s'imagine même pas. J'imagine du coup qu'au fil des années, au fil des décennies, il y a des méthodes qui ont été conçues pour bien gérer ces joueurs, ces joueuses, les PNJ, les infrastructures, les différents temps du scénario, les PNJ, donc les personnages non-joueurs, oui. J'imagine qu'il y a des structures, un petit peu de méthodes là-dessus qui ont été conçues. Eh ben non, le monde du GN est un GN, est un monde empirique. Chaque association se débrouille un peu et on n'a pas de... La FEDGN ne fait pas de structuration, de méthode. Comment organise-t-on un GN pour gérer ses PJ, ses PNJ, c'est pas grande. Ce n'est pas possible. Chaque association va poser des jeux différents, va proposer des libertés aux joueurs différentes, des implications différentes et va gérer la chose un peu à sa manière. C'est vraiment de l'artisanat et donc même si les grandes théories d'écriture de scénarios, d'écriture d'histoire littéraire sont valables pour tout ce qui est écriture de personnages, écriture d'histoire, la dramatique, tout ça, ça fonctionne. Je ne vais pas trouver le mot, mais c'est pas grave. Tout ça fonctionne, mais on n'a pas de formulation spécifique pour le GN. Alors pour la théorie, moi je suis pas tout à fait d'accord, et en tout cas plusieurs intervenants dans l'idéologie, en tout cas on parlait pour le jeu de rôle classique, en tout cas le jeu de rôle papier autour d'une table dans un salon avec de la bière ou du thé, y a la Forge qui a proposé le forum de la Forge, qui a proposé pas mal de théories, en tout cas plus en game design effectivement qu'en organisation. Et puis bon, bah j'imagine que le management du monde du travail doit avoir quand même des petites influences. J'imagine que quand on est président d'association, on a déjà une certaine notion de la hiérarchie. Enfin voilà, je pense que c'est pas totalement anodin, mine de rien. Oui, il y a des méthodes qui s'appliquent et on ne peut pas fonctionner dans le monde du GN différemment que dans toute structure hiérarchique, organisationnelle et travail de groupe. Mais on n'a pas de théoriciens qui ont, enfin en France, on n'a pas de grands théoriciens qui nous ont forcément sorti des ouvrages complets pour nous présenter quelque chose et auquel tout le monde se réfère. Voilà, oui, il y a des associations, notamment à Paris Expérience, qui est très avant-gardiste sur le GN, qui est beaucoup dans la réflexion sur comment ça fonctionne, qui s'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans le Nord et la manière de jouer nordique, qui est très différente de la manière française. Mais on n'est pas, il n'y a pas de solution magique qui est appliquée par tout le monde. Et le monde du GN est un monde aussi où chaque chapelle défend sa bannière ardemment. Voilà, des fois, souvent, on ne va pas forcément, sans parler de ne pas aller forcément jouer chez le voisin, mais voilà, il y a des tensions, il y a des mouvances, il y a des groupes. On n'est pas forcément, c'est un loisir fédérateur, très convivial. Mais tout le monde ne fait pas les choses de la même manière. Tu viens de parler justement de la façon de jouer nordique. Et alors, je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, mais j'ai entendu parler de Candoria, qui est un jeu qui regrouperait des milliers de joueurs, il me semble, en Europe. Enfin, plus, je crois que c'est au nord de l'Allemagne ou quelque chose. Candoria, c'est le gros GN mass LARP français. C'est le modèle français qui s'est inspiré de Mythodea, qui est le modèle allemand, effectivement, où là-bas, nous avons 5000 joueurs sur 4 jours. Où, donc, effectivement, bah, c'est une ville qui s'installe carrément pour 4 jours. Donc, il y a quelques Français, quelques Bretons qui y vont régulièrement. La célèbre Compagnie Caradoc, initiative à l'origine de la Guilde de Bretagne, partiellement. Et oui, 5000 joueurs pour 1500 en France sur Candoria. Après, un mass LARP comme ça, puisqu'on appelle ça un GN de masse, n'apporte pas les mêmes choses qu'une murder party. Clairement. Et ne se prépare pas de la même manière. Je vais te contredire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. D'un point de vue organisateur, 1500, 5000 joueurs, c'est beaucoup de travail, en effet, mais pas forcément beaucoup plus qu'une murder complexe, en termes de charge de travail par rapport au nombre d'organisateurs. Par contre, pour le joueur, le travail est moindre sur un mass LARP. Puisque le joueur écrit en général lui-même son scénario, son personnage, son historique, et donc a des implications moins complexes et moins liées au scénario et aux intrigues. Alors que sur une murder party, un personnage, ben voilà, il connaît toute son enfance, il connaît tout le cheminement de la personnalité du personnage et ses relations avec les autres, qui sont construites et écrites par le scénariste et qui font en général des choses beaucoup plus complexes avec beaucoup plus de possibilité d'intrigue développée. Si je comprends bien, en fait, les personnages que vont gérer les organisateurs de mass LARP, comme tu dis, donc où il y aura des milliers de joueurs, donc ces organisateurs-là, les joueurs qu'ils vont gérer, ce sont pas des humains, mais plus des regroupements d'humains, ce sont des factions. C'est à la fois des factions et à la fois des personnages, mais ils vont les gérer sur le moment. C'est-à-dire, ton personnage a été embrigadé dans une quête pour aller récupérer la perle magique pour aller fermer la porte du chaos, oui, tu vas être un peu repéré par l'organisateur, tu vas peut-être récupérer des choses, mais avant, l'organisateur n'avait pratiquement pas conscience de toi, carrément. Il n'a pas forcément non plus conscience de ta faction. Si, en fonction des affinités, des scénaristes et de ce que proposent les groupes, tu peux ne pas avoir de jeu développé autour de ça. On va prendre l'exemple de Candoria. Tu peux arriver en ayant écrit un super personnage, intégré à l'univers, en ayant construit un groupe, intégré à l'univers, mais l'avoir envoyé aux organisateurs juste 2 jours avant le jeu. Et du coup, ben, ils vont pas forcément te proposer quelque chose. Et ils n'ont pas forcément non plus les scénaristes, même si tu l'as envoyé à l'avance, pour te protéger quelque chose en adéquation avec ton jeu que tu recherches et qui va être intégré dans la trame générale. Là, on parle d'expérience personnelle et justement, comment on évite que cette expérience personnelle soit chahutée, parasitée par des volontés parfois bienveillantes, parfois malveillantes au sein du jeu. Comment on évite ça? C'est quelque chose de très particulier et qu'on retrouve beaucoup dans le jeu. Typiquement, les trolls, les gens qui insultent parce qu'ils sont mauvais joueurs, etc. Le jeu de rôle grandeur nature et le jeu de rôle restent des jeux basés sur des contrats sociaux. Donc effectivement, le contrat social de la table de jeu de rôle, c'est on est une bande de connaissances, ou de copains, ou d'amis, en fonction des gens avec qui on joue, mais on est tous autour de la table pour jouer, pour s'amuser. Donc forcément, il y a le respect des autres joueurs, le respect du maître de jeu, du travail qu'il a accompli, essayer de pas forcément tous avancer dans le même sens, mais avancer dans un sens suffisamment intéressant pour que tout le monde s'amuse et que la partie soit intéressante. En GN, bah, c'est aussi un contrat social. Le but, c'est que tout le monde s'amuse. mais c'est un contrat plus égoïste, puisqu'effectivement, chacun est acteur à part entière de ce qu'il fait et a la liberté à tout moment. Il n'a pas le maître de jeu derrière lui qui doit forcément interpréter tous les PNJ. Si à un moment donné, la personne que tu as en face de toi ne t'intéresse pas, bah, tu peux lui dire au revoir, t'en aller et aller faire autre chose. Donc du coup, les autres partants, généralement, ça se passe comme ça. Et parfois, au détour d'une rencontre de comptoir, tu passes 4 heures de jeu avec quelqu'un de formidable avec qui tu partages du roleplay, des intrigues, des intérêts, et qui permettent de faire des GN ces moments particuliers que nous cherchons tant, nous, GNistes. On a parlé un petit peu des lieux et des contraintes pour les obtenir, mais il y a aussi des contraintes d'accessibilité parfois. Comment on fait pour les prendre en compte, sachant que c'est déjà de base pas facile d'avoir un lieu? Donc quels sont les différents critères et les différentes possibilités pour s'en assurer? Précise-moi, accessibilité. Je pense par exemple aux personnes en fauteuil qui voudraient jouer à une nuit du huis clos ou... Alors là, on est sur un grand débat difficile. C'est que l'accessibilité en GN, c'est compliqué. La nuit du huis clos à Rennes, par exemple, est totalement faisable par quelqu'un en fauteuil, puisque les lieux, les locaux, c'est une maison de quartier, donc c'est un local adapté. Mais sur un GN comme Candoria, non. C'est pas possible de recevoir quelqu'un en fauteuil, ou bien il va devoir être accompagné en permanence, et ses accompagnateurs vont beaucoup galérer, parce qu'une plaine, une prairie, avec ses trous, ses bosses, un fauteuil 4x4, ça va être compliqué. Après, pour les personnes sourdes, malentendantes, ça peut sans doute se faire, mais à ce jour, je n'ai jamais vu de GNiste essayer. Moi, j'avais vu passer un message d'une personne sur un forum ou sur Facebook, effectivement, qui voulait se lancer, quelqu'un de non-voyant. Je trouvais l'idée très intéressante et je ne sais pas où est abouti le projet, mais il n'y a aucune raison que ces personnes soient privées de GN. Il faut faire. Je sais que nous, si la Guilde de Bretagne est contactée pour qu'on trouve un GN adapté à cette personne, on fera le maximum pour proposer et accompagner afin de pouvoir faire découvrir ce loisir-là aussi dans des conditions optimales. Puisque ça nous arrive de jouer des aveugles, même si c'est rare, mais avoir quelqu'un d'aveugle ou de sourd ou d'handicapé sur un GN, ça peut être, je pense que ça peut être une valeur ajoutée. On a réussi à faire jouer un joueur malade Alors, je vais pas forcément me souvenir exactement de la maladie, mais il était en fauteuil roulant la plupart du temps. Il tenait à peine debout. Il a fait un troll ball quand même avec nous. Mais effectivement, il était super motivé. Il avait des copains super motivés avec lui. Et ça a été sportif pour tout le monde. Mais ça a été un excellent souvenir pour lui et pour nous. En effet. Alors, juste avant, en micro, tu précisais donc c'est Guilde de Bretagne et jeux de simulation. Est-ce que le côté simulation introduit quelque chose de particulier par rapport à du jeu de rôle? Bon, le jeu de rôle papier autour d'une table, bon, on joue pas forcément des gens autour d'une table en train de boire des bières et de lancer des dés dans le jeu de rôle en général. Enfin, plus dans des trucs un peu plus rock'n'roll. Jeu de rôle grand dans la nature, c'est déjà plus ressemblant à ce qu'on veut représenté, mais la simulation, qu'est-ce qui différencie peut-être un GN classique d'un GN vraiment axé simulation? Un GN, tu es forcément dans la simulation, tu es forcément dans la représentation d'une certaine réalité. Si tu joues un magicien, tu vas jamais réussir à lancer une boule de feu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tout dépend après le jeu dans lequel tu joues et l'univers et ce que les organisateurs ont envie de te faire proposer. Il y a des jeux plus ou moins simulationnistes. Effectivement, il y a des jeux où tout va être paramétré et réglé par des règles précises. Effectivement, j'ai une profession qui me donne des compétences, des capacités. Donc avec des mots de code, je vais pouvoir par exemple te dire psychologie et tu vas devoir me révéler tes plus grandes phobies. Et des systèmes qui sont au contraire beaucoup plus libres, où le joueur va devoir se débrouiller un peu par lui-même, effectivement, s'il joue un fin psychologue, mais il va falloir qu'il se débrouille pour le faire. La simulation est présente à tous les niveaux, et plus ou moins réglée, effectivement, par les règles, les compétences. Pareil, quand tu as ton épée à la main, il y a des associations qui vont te considérer comme un combattant lambda. On va prendre Candoria, par exemple. Candoria, tout le monde a le droit de tenir une épée, tenir une armure, tenir un bouclier. Après, tu as des compétences qui font de toi un meilleur combattant. Mais tout le monde combat avec sa compétence personnelle, principalement. Et au contraire, bah, tu as des jeux où il n'y a pas de système de combat, mais où par exemple, on va plutôt t'indiquer si tu es un bon combattant ou pas. Si tu joues D'Artagnan, c'est clair que normalement, n'importe qui en face de toi va perdre le combat. Et ce n'est pas forcément réglé par les compétences, mais juste effectivement par en gros l'historique et l'estimation des joueurs. Effectivement. Je joue Mike Tyson, normalement, dans une bagarre de pub, il n'y a personne qui fait pas face à moi. Et les autres joueurs doivent le ressentir comme ça. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de problèmes de désistement de joueuses et de joueurs, parfois juste avant les parties. Est-ce que c'est un phénomène qui est purement de l'ordre du ressenti, ou est-ce qu'il y a vraiment des chiffres qui attestent que c'est un phénomène galopant quelque part? Et le cas échéant, à quoi tu attribuerais ça? Alors, je n'ai pas de chiffres, mais c'est une vérité. À ce jour, effectivement, les GN ouvrent, beaucoup de GN ouvrent leurs inscriptions plus d'un an à l'avance. Donc à un moment donné, je ne sais pas comment vous gérez vos vies, mais moi, dans un an, je ne sais pas trop ce que je fais. Donc même si j'ai très envie d'aller à un GN, auquel je m'inscris, à un moment donné, peut-être qu'à 2 mois du GN, mon employeur ne va pas me donner mes congés. Donc forcément, je suis obligé d'appeler les organes et de leur dire « non, je ne peux pas venir, j'ai pas mes congés ». Il y a les gens malades aussi. On peut tomber malade à une semaine du GN, c'est pas forcément possible. On peut tomber enceinte aussi, par exemple, pour les filles, ça peut arriver. Donc il y a un tas de motifs qui font que les gens annulent. Mais je pense aussi qu'on est dans une évolution sociétale et que les gens sont plus consommateurs. Donc à un moment donné, ils se posent pas trop la question. Ils s'inscrivent parfois à plein de trucs. Et à un moment donné, y a un autre événement mieux qui se présente à leur porte. Ils n'hésitent pas forcément à se désister et à aller faire autre chose. Donc c'est une problématique un peu compliquée pour les orgas, puisque généralement il y a des frais qui sont avancés. Donc selon les politiques des associations, il y a remboursement ou non. Et surtout, il faut trouver le remplaçant. Donc je vais pas dire du mal des gens qui jouent avec nous à la Guilde Bretagne, mais lors des deux dernières murders qu'on a organisées, qui s'appellent Shadow Island, on a eu des désistements pour maladie le jour même la première fois et deux jours avant la fois suivante. Donc les deux fois, il a fallu réussir à trouver quelqu'un pour remplacer au pied levé. C'est pour ça qu'il y a un super groupe Facebook, si vous voulez découvrir le GN, c'est SOS Désistement. Vous vous abonnez et vous allez voir passer des places un peu partout en France. Et l'avantage du désistement, c'est qu'en fonction de la date du désistement, souvent c'est gratuit. Effectivement, parce que comme les associations ne remboursent pas le joueur, ils offrent la place à la personne qui vient les dépanner et permettre au GN de se faire normalement. Donc ça peut être un bon plan pour découvrir à moindre frais. Parlons sous, justement, parce que parlons sous, voilà, on est bien. Non mais genre, je ne pensais pas poser cette question, effectivement, comment ça se finance un GN? Alors, on a parlé effectivement du paiement à l'avance, mais ça coûte combien à faire un GN et comment, est-ce qu'il y a des fournisseurs, je sais pas, d'épée en mousse hein? Non, pas encore, on fait pas encore tout à fait du sponsoring dans GN, on n'est pas encore à une Ken ou autre qui viennent nous proposer de mettre des banderoles sur les jeux. Alors, majoritairement, ce sont les joueurs qui payent les GN. Voilà, la participation aux frais des joueurs couvre en général la totalité des frais d'un jeu. Après, certaines associations se vendent comme prestataires de services pour animer des murders grand public, pour faire vivre des lieux culturels, ce qui leur permet de récolter des sous, qu'ils peuvent après réinjecter dans l'organisation de leur GN. Donc ça, c'est les deux modes principaux de financement. Ensuite, les buvettes des GN. Vous payez votre boisson, les organisateurs font du bénéfice dessus et payent le GN. C'est un financement correct, mais moi j'ai connu un gros GN qui est devenu déficitaire parce que la météo était pourrie. Effectivement, les recettes prévues de la buvette n'étaient pas du tout à hauteur des espérances et raisonnables de l'association. et effectivement aussi la vente d'emplacements commerciaux. Puisqu'effectivement, il y a des artisans, il y a des revendeurs qui viennent sur les GN, puisque c'est le meilleur moyen de toucher le public. Puisque la vente à distance, c'est bien, mais le client ne voit pas le matériel. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui achètent sur le jeu même, ou qui passent commande à l'avance et qui récupèrent sur le jeu. Et là, pareil, on fait payer des frais aux associations, aux commerçants qui veulent venir, de manière à récupérer un peu de sous pour financer le jeu. Et donc ça a répondu à la première question. Et du coup, au niveau des fournisseurs, parce que je parlais des épées en mousse, moi c'est le souvenir que j'ai en tout cas de GN, où effectivement il y avait tout un matériel, mine de rien. Alors pour le coup, sur le jeu que je pense, qui était plutôt léger, mais j'imagine que sur des jeux massifs, il y a des vrais frais, il y a des vrais besoins techniques. Tout est aux frais du joueur. C'est le joueur qui s'équipe tout seul pour lui-même, en fonction de son personnage, en fonction de ce qu'il a envie de jouer, en fonction de ce que les orgas lui demandent également de porter. Mais c'est le joueur qui supporte généralement la plupart des frais. Effectivement, si ton personnage est un héros d'une nation qui a une arme magique, il y a des chances que cette arme soit fournie par l'organisateur. Mais si tu es simplement dans un groupe de combattants, c'est à toi d'amener ton épée, ton bouclier, ton armure. Et c'est un peu ce qui est à la base du système du GN à 1500 personnes mitonnées en Allemagne. Pourquoi on ne paye pas de compétences de combat? Ben parce que comme ça, les gens peuvent tous acheter des armures, tous acheter des épées et être protégés au maximum. Comment faire rentrer un peu tout dans les caisses? Et pour ce qui est des personnages non-joueurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait à chaque fois des tarifs différents, mais des tarifs tout de même, ce qui est contre-intuitif quand on vient du monde du jeu de rôle, dans le sens où on a l'impression que le personnage non-joueur, joué par le MJ, du coup, est au service des joueurs et donc fait partie un petit peu des meubles. Et là, on se rend compte que les gens payent aussi pour jouer des PNJ, en fait. Ben, alors, le PNJ, c'est le personnage non-joueur, donc c'est le personnage qui ne joue pas pour lui-même. C'est quelqu'un qui est orienté pour le jeu des joueurs. Donc c'est le paysan que tu croises à l'auberge, c'est le monstre qui t'attaque dans la forêt, c'est le duc du coin qui vient oppresser les paysans. Pour revenir au jeu de rôle, finalement c'est le maître de jeu qui achète les livres. Hein. Donc le maître de jeu, il paye pour jouer et faire jouer les autres. Donc c'est un peu le même principe pour le PNJ. Le PNJ, sur énormément de GN, bah, il y a le site à payer. Souvent, il y a la nourriture aussi à payer. Donc, les associations ne peuvent pas offrir le gîte et le couvert aux gens qui viennent s'amuser quand même. Puisque être PNJ, c'est s'amuser, même si c'est s'amuser pour le plaisir des autres principalement. Mais j'aurais tendance à dire, moi, quand je m'amuse, en tant que joueur, je m'amuse aussi pour le plaisir des autres. Un de mes plaisirs, c'est que les autres prennent du plaisir à jouer avec moi. Donc, les rôles ne sont pas forcément très différents. Après, il y a des associations qui ont différents strates de niveau de PNJ et qui ne demandent pas forcément les mêmes choses aux PNJ. Je vais notamment pas citer l'association, mais il y a une association qui fait que des PNJ payent cher s'ils ont des rôles entre guillemets importants, mais des rôles scénarisés temps plein. Ils vont jouer toujours le même PNJ pendant tout le jeu. Moins pour des rôles ponctuels. Je vais faire le monstre, 4 attaques de monstre, ainsi de suite. Je vais faire le service en cuisine. Encore un peu moins pour les gens qui, en plus de faire PNJ, viennent aider au montage, au démontage. Et parfois, encore des remises supplémentaires si les personnes travaillent en amont sur le jeu. Mais ça, après, j'aurais tendance à dire que c'est tout dépend de la lettre d'intention des organisateurs et de chaque association. Qu'est-ce que l'association a envie de faire avec ses joueurs, ses PNJ? C'est pour ça que le terme lettre d'intention est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, mais qui me semble super important dans le GN. C'est un contrat social. À un moment donné, les organisateurs doivent dire qu'est-ce que je veux faire de mon jeu. Mon jeu, ça va être un jeu à baston, un jeu diplomatique, un jeu où je ne veux pas que mes joueurs y partent avant midi le dimanche sans nous avoir aidé à ranger. Parce qu'effectivement, bah, nous, on est bénévoles, mais à un moment donné, les joueurs ils doivent participer au rangement aussi. Sinon, nous, on va y être jusqu'à 4h du mat, et puis on bosse lundi comme tout le monde, et donc ça ne va pas le faire. Mais c'est à chaque organisateur d'être clair et d'énoncer clairement à ses joueurs, à ses PNJ, ce qu'il attend de chacun. Parce que souvent, il y a des incompréhensions. Parfois, on se dit, le GN était raté. Je peux faire un trop mauvais GN, on m'avait vendu un GN diplôme, il n'y avait pas de diplôme. Oui. Alors oui, c'est pas faux, sauf que effectivement l'association, ils étaient 4 au départ, là ils sont plus que 2. L'organisateur, il a un peu fait, t'as vu qu'il a fait la bouffe, t'as vu qu'il a géré les actions politiques pendant 2 heures, donc oui, il a pas fait le même jeu que ce qu'il a vendu. Mais peut-être qu'il y a une raison, voilà, à un moment donné. mais si il faut que les choses soient claires tout le temps dans les dans la manière de fonctionner. Enfin, je pense que c'est comme pour tout dans la vie, hein. Au plus c'est transparent sur ce qu'on veut faire et comment on va le faire, au plus tout le monde trouve la satisfaction dans chacune des choses. Je profite d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans l'organisation et dans le jeu. Comment on crée de bonnes dynamiques de groupe selon toi? En tout cas, quelles sont toi tes bonnes pratiques pour l'organisation ou pour le jeu, tout bêtement? Enfin, j'imagine que voilà, quelqu'un qui a tendance à être un peu le chien fou, le chien dans un jeu de qui, on va plus le placer dans tel type de jeu par exemple, ou la personne plus calme, effectivement plus manipulateur peut-être pour les jeux diplomatiques. J'imagine qu'il y a des dynamiques sociales et des compositions de gens. Voilà. Quelqu'un qui est un chien fou, on va pas le mettre avec un autre chien fou, sinon ça va être juste le bordel et ça va péter le scénar. J'imagine qu'il y a des choses comme ça qui se jouent aussi. Oui et non. Finalement, quand tu es organisateur, il y a plusieurs écoles. Soit tu es un scénariste qui a construit un scénario très, très complet, qui régit toutes les interactions avec les personnages, toutes les relations sociales et ainsi de suite, et où ton jeu, finalement, il y a les rôles sont tous super écrits. Et en fait, finalement, tu fais, c'est un terme que j'aime pas trop, mais du casting. Tu dis voilà, un tel, il va pouvoir jouer un tel parce que il va avoir le bon comportement, il va être capable de s'adapter au jeu et de le faire. Soit au contraire, bah, tu as des jeux où les joueurs ont plus de liberté sur ce qu'ils ont envie de jouer. Donc effectivement, tu peux décider de... Moi, je joue un guerrier. Donc effectivement, si tu as deux chiens fous qui décident de jouer des voleurs assassins, à un moment donné, tu peux pas forcément leur dire non. Des fois oui, des fois non. Ça dépend de ton contexte, de ta manière de scénariser. Moi, je ne suis pas forcément un bon organisateur, parce que moi, je n'écris pas mes jeux. Moi, je participe relativement peu à l'écriture des jeux, je ne m'estime pas assez doué pour ça. Moi, je suis plutôt un metteur en scène. Voilà, moi, j'utilise des jeux déjà écrits, avec mon comparse Damien, principalement, et on fait jouer les gens sur des bases déjà écrites. Nous, on fait le casting, donc on place les gens dans les bons rôles, et puis on met en place la scène, quoi. On fournit la bouffe, le décorum, on essaie de faire passer un bon moment à ce niveau-là, exactement ce qu'on fait à la nuit du huis clos. Ma seule grosse expérience d'organisateur scénariste a été relativement décevante. Parce que c'est un travail de groupe. C'était un gros groupe. Et parfois, les gens n'ont pas forcément le comportement que tu attends d'eux. Comme de partout dans la vie, voilà. À un moment donné, il y a les gens qui bossent beaucoup, ceux qui bossent moins, ceux qui ont l'impression de se faire exploiter un peu par moment, enfin voilà. Donc, et comme moi je suis quelqu'un qui donne, bah effectivement je suis plutôt parmi les derniers à partir pour le rangement que parmi les premiers. Ce qui me pousse à poser une autre question que j'avais en tête derrière, est-ce que ça se playtest un jeu de rôle? Ça se playtest dans le sens où un game designer ou un créateur de jeux de société, etc., il va faire tester à ses joueurs. Et typiquement, moi je sais que mon camarade Manuel Bedoué, qui écrit du jeu de rôle en dehors de ludologie, m'a confié il n'y a pas longtemps, alors toi Adrien, je t'amène pour justement éprouver mes règles et que tu défonces tout et voir qu'est-ce qui reste après, qu'est-ce qui tient. Et ce qui pose la même question, donc lui il le fait sur du jeu de rôle papier classique. Mais du coup, ça pose la même question sur du jeu de rôle grandeur nature, de la Mordor Party, du Freeform, etc. Je ne sais pas si on peut appeler ça du playtest, mais oui, il y a de la relecture. Souvent, les scénaristes se font relire par d'autres gens, surtout sur la Mordor, qui est vraiment un format plus exigeant en termes d'écriture, à la fois sur le contenu et sur la forme. Donc effectivement, il y a de la relecture, et puis après, généralement, oui, selon les jeux sont soit... organisé en one shot sur une session, donc là tu peux pas vraiment faire de playtest, soit effectivement les jeux sont souvent organisés sur plusieurs sessions, et donc effectivement le jeu évolue peut-être un peu d'une fois sur l'autre sur les choses qui ont bien marché ou moins bien marché. Mais c'est relativement compliqué de tester le jeu à l'avance. On peut pas faire de coup d'essai dans ton garage, ça marche pas forcément trop si t'as prévu de jouer dans un château. T'as dit qu'il y avait parfois du coup un véritable travail de groupe. Donc j'imagine en plus que finalement la bonne équipe, il y a du management, de l'écriture, de la gestion humaine, du relationnel, enfin il y a tout un tas de talents nécessaires. Est-ce qu'il arrive parfois pour avoir tous les talents possibles et imaginables pour organiser une partie en particulier, qui est un regroupement de plusieurs assos ou de plusieurs groupes organisateurs pour le même jeu. Ça peut se faire. Ça peut se faire, ça se fait pas forcément énormément. Mais maintenant, il y a des gens qui sont dans plusieurs associations. Donc du coup, qui proposent leur talent à différents individus. Mais comme je disais tout à l'heure, chaque asso a un peu sa touche, sa particularité sur les gènes. Et donc c'est assez difficile de se dire, deux assos vont se regrouper pour proposer un jeu. Ça se fait, mais en général, c'est qu'il y a des bonnes synergies et que les jeux sont déjà, les manières de jouer sont déjà assez proches à la base. Mais généralement, les associations sont porteuses elles-mêmes de leurs projets. On va prendre le jeu Légende d'Hyperborée, qui est un jeu qui se joue à une heure du Mans du côté de Laval, sur le site d'Ecosia, qui est organisé par l'association... voilà, je ne trouve plus le nom. Mais c'est Evoniris. Evoniris chapeaute la structure. Ils ont récupéré pas mal de scénaristes un peu de tous les côtés pour compléter leur groupe afin de faire vivre chaque nation. Et en plus, ils sous-traitent des instances, des petits morceaux de jeu à des groupes de joueurs ou des associations disponibles. Donc c'est une manière de coopter, de se coopter et de fonctionner à plusieurs et d'utiliser les moyens de chacun. Mais par exemple, on va prendre le cas de la Quine de Bretagne, on n'organise pas de GN parce qu'on manque peut-être de scénaristes, de gens bricoleurs pour construire les décors, le matériel, et que du coup on sait qu'on n'a pas la synergie suffisante pour lancer des projets. Mais parfois on aide, on soutient et on propose des choses pour lancer d'autres associations qui se lancent. En tout cas, l'appel est lancé. Hein. S'il y a des joueurs ou des joueuses qui nous écoutent, voilà, pensez peut-être à nous envoyer un petit mail, on transmettra. Je reviens à cette idée effectivement de groupe et que c'est pas forcément évident peut-être de travailler avec d'autres associations peut-être, même si bon, des fois il y a les passerelles effectivement des gens qui sont un peu partout. Je pensais à cette réflexion qu'avait, je crois, Benjamin Bayard, alors sur un tout autre sujet qui était sur l'associatif vis-à-vis d'Internet. Il disait, on ne peut pas gérer une asso si on ne connaît pas les prénoms de ses membres, si on ne connaît plus les prénoms de ses membres. Et je trouvais cette phrase assez intelligente parce que ça, il signifiait par là qu'il fallait une proximité peut-être entre les membres d'une même association pour que ça marche. Et du coup, d'où dans le cas de... donc je crois que l'association, c'est FDN, French Data Network, je crois, qui a créé la FFDN, qui est en fait une incitation à créer chacun son petit, pour le coup, association qui fait son fournisseur d'accès Internet. J'arrête un peu ma parenthèse là, mais l'idée derrière cette phrase, c'est que oui, il vaut peut-être mieux des petites associations, des petites structures pour organiser, donc là dans le cas là des jeux des GN et des jeux de rôle, plutôt que des grosses machines où on connaît plus son voisin. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi du coup à la Guilde de Bretagne ? Ah ben, je vais totalement te rejoindre effectivement. Alors nous, historiquement, nous sommes une fédération, c'est-à-dire qu'à la base la Guilde de Bretagne a été fondée par des associations pour se regrouper au niveau de la Bretagne, des associations de jeux de rôle et de jeux de rôle grandeur nature, pour proposer des événements de grande taille, de grande ampleur, qui nécessitent effectivement beaucoup de forces vives et qui soient des projets importants. À ce jour, on est une petite association d'individus qui majoritairement n'apportent non plus à des associations. L'an dernier, nous avons regroupé quand même 8 associations qui se joignent à nous, mais nous avons majoritairement des individus qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui nous soutiennent et qui... ont cette idée qu'effectivement il faut une structure, peut-être avoir une structure régionale qui permette de centraliser et d'être un miroir de notre loisir. Puisque nous, on est beaucoup une porte d'entrée. En fait, les gens, quand ils vont chercher jeu de rôle grande nature Bretagne, il y a beaucoup de chances qu'ils tombent sur nous. Donc on en a régulièrement des demandes pour des initiations, pour faire découvrir le jeu de rôle, pour des animations qui malheureusement n'aboutissent pas assez souvent, soit par faute de volontaires pour y aller, soit par faute de disponibilité. Mais effectivement, il y a l'idée de porte d'entrée. Donc effectivement, oui, il faut connaître ses membres. Je vais te dire, dans le monde du gène, c'est un peu difficile, parce que souvent, tu ne connais pas le prénom des gens. Les gens, tu les as rencontrés une fois, il s'appelait Claudius sur ce GN-là. Et donc, longtemps, pour toute sa vie, c'est Claudius. Voilà, oui, tu sais pas qui s'appelle Gilles derrière. Donc, c'est un peu. Donc, ça crée des situations un peu bizarres parfois, puisqu'il y a la même personne qui est connue sous plusieurs noms par des personnes différentes, alors que finalement, on parle du même. Mais oui, c'est important de se connaître et d'avoir des petites structures. Maintenant, les assos de GN, généralement, sont des petites structures. Généralement, c'est des associations d'une dizaine de membres actifs qui organisent les jeux. Même les groupes de joueurs de GN dépassent rarement les 20-25 membres très actifs, auxquels s'ajoutent des occasionnels qui viennent découvrir, se joindre au groupe et se lancer dans l'aventure. Donc on reste sur des tailles humaines. D'ailleurs, j'en profite, étant donné que ce podcast est diffusé début mars, est-ce que tu peux nous préciser, nous donner un petit peu l'actualité de l'association, ce qui va se passer en mars-avril, par exemple ? On aurait dû prendre rendez-vous plus tôt. Alors, en mars, on va vous proposer la nuit du huis clos, le 11 mars, lors du festival des jeux Terminus Ludi. Donc, la nuit du huis clos, c'est le meilleur moyen pour découvrir le jeu de rôle Grande Nature. Puisque c'est cette année 5 soirées qui vous sont proposées, 5 jeux grandeur nature, 5 murders, où on va faire jouer, j'espère, 53 personnes. À cette heure-ci, il manque encore 6 joueurs pour remplir totalement la soirée, mais les inscriptions seront closes début mars. Il faudra regarder les SOS d'existement au cas où. on va faire découvrir le jeu à 53 personnes. Alors, pas tout à fait découvert parce qu'il y a des anciens qui reviennent. Et des gens habitués qui viennent aussi, mais pour l'instant j'ai un quart de débutants, quand même. Et en moyenne, sur les éditions précédentes, donc c'est la 7e année, on était à un tiers de débutants. Donc c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour découvrir le jeu. Et en plus, cette année, nous proposons un jeu sans inscription, le samedi après-midi, une murder de type slasher. Qui s'appelle Salle M, où il faudra venir s'inscrire à l'accueil du festival jusqu'à 13h45. Et il y a 8 places pour jouer une murder dans un campus américain où les étudiants meurent au fur et à mesure. Voilà, c'est un jeu qui ne demande pas de préparation, donc c'est un peu un jeu nordique, puisque les joueurs arrivent, découvrent le personnage à l'instant même, et si ça se trouve, 2 heures après le début du jeu, ils en seront à leur 4e personnage. Voilà ce que nous proposons tout début mars. Nous allons proposer notre assemblée générale au mois de juin également, où nous convions tout le monde à venir se présenter pour découvrir un peu ce qu'on fait, pour proposer leur aide, s'ils ont envie, et puis pour discuter avec nous et surtout nous dire ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez. Nous, on est là pour aider les gens. Donc si on ne sait pas ce que les gens ont besoin, veulent, et ben on ne sait pas trop quoi faire. On a la chance d'avoir un peu de moyens à disposition en ce moment, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Ensuite, voilà, c'est un peu tout pour l'actualité de la guilde pour ce premier semestre. Vraisemblablement, nous allons organiser une séance d'un jeu qui s'appelle Oulu, une murder moyenâgeuse cet automne. Affaire à suivre, il faut qu'on confirme ça. On organisera certainement une 5e session de Shadow Island en janvier 2018, où vous pouvez trouver tout ça sur notre site. Et accessoirement, nous sommes en réflexion pour lancer des GNIAL en 2018. Donc les GNIAL, c'est un événement sponsorisé par la Fédération de jeux de rôle Grandeur Nature française, la FEDGN, et qui est un événement où on vient discuter, faire des tables rondes, des conférences, des ateliers autour du GN. Avec en association, sans doute, un marché d'artisans locaux et une braderie pour GNistes. Voilà, mais ça, il faut, pour que ça se fasse, il faut qu'on ait des bonnes volontés pour nous aider, une équipe motivée. Puisque c'est un gros projet. Et bien là encore, l'appel est lancé, puis en tout cas, je pense que ça pourrait être l'occasion peut-être pour nous d'aller un peu plus du côté du GN. On n'en parle peut-être pas assez dans le podcast Ludologie. J'ai peut-être une je vois qu'on approche presque de l'heure peu à peu de podcast. J'ai une question, parce qu'on a parlé beaucoup de préparer un jeu de rôle et un GN, mais du coup, comment dire, pas on prépare, mais ce serait quoi l'inverse de préparer? Ce serait comment on démonte un GN peut-être? Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont Tu veux dire à la fin ou à la fin? Ouais, alors moi je trouve qu'on n'a pas fait le tour encore de préparer, mais bon, mais c'est pas grave. Bah on n'a pas parlé de qu'est-ce que fait un joueur de GRN pour se préparer à un jeu. C'est voilà, moi quand je pars, quand je m'inscris sur un GN, j'ai des images plein la tête, j'ai lu 4 fois mon bac, j'ai réfléchi à mon costume, à mes positions, mes intonations, j'ai imaginé certaines scènes de jeu. Voilà, il y a énormément de choses à faire en amont pour arriver sur le jeu. Oui, typiquement, oui, c'est vrai qu'on n'a pas demandé, j'ai pas demandé, est-ce qu'on se prépare physiquement? Est-ce qu'il faut faire des pompes? Est-ce qu'il faut, voilà. C'est optionnel. Alors, mais tout dépend ce que tu fais comme rôle. Je veux dire, si tu vas jouer un vieux moine grabataire, non, tu ne vas pas faire de pompe. Mais effectivement, à titre d'anecdote et d'expérience, sur Condoria, j'appartiens à un groupe militaire avec une hiérarchie stricte et où les officiers font régulièrement pomper les soldats. Donc oui, je me suis entraîné à faire des pompes pour pouvoir assumer un minimum une partie du jeu. Voilà, effectivement. Je n'en fais toujours pas 40, mais je fais mes 10 sans problème et au moins je suis relativement crédible. Oui, enfin, oui, après... chaque joueur va se préparer de manière différente et de manière plus ou moins jusqu'au boutiste. Voilà, ça dépend quelle est l'envie et le style de jeu de chacun. Moi, j'ai tendance à dire que pour moi, en tant que joueur et en tant qu'organisateur, le diable se cache toujours dans le détail. Ce qui compte, c'est le détail. Donc effectivement, quand je vais jouer un personnage qui maîtrise une langue étrangère, eh ben, je vais peut-être revoir un peu certaines bases pour pouvoir placer des mots, travailler peut-être un accent, travailler une posture, des références historiques potentiellement par rapport à l'univers. Et effectivement, toujours essayer d'avoir, même si mes costumes, j'ai une base de costumes, toujours avoir un élément nouveau qui va différencier le personnage de celui d'avant qui était potentiellement similaire. Voilà, ça peut être dans la coupe de cheveux aussi, la coupe de la barbe. Des fois, tu vas chercher le détail assez loin pour rentrer vraiment dans la peau. C'est du jeu d'acteur, finalement. À un moment donné, si tu ne veux ne plus être toi-même sur le jeu, bah, il faut que tu sois différent de toi-même. Et tu avais parlé d'autres styles plus ou moins jusqu'au boutiste. C'est les quoi ? Qu'est-ce que... La coupe de cheveux, ça commence à devenir jusqu'au boutiste, hein, quand même, puisque j'ai vu des gens se faire une tonsure pour un jeu. Après, il faut assumer d'avoir la boule à zéro. Voilà, donc c'est vraiment sur ce genre de choses, quoi. L'aspect langage, effectivement, ou apprendre des mots d'une langue étrangère, c'est assez jusqu'au boutiste. Enfin, voilà, après, non, on ne se prend pas pour les personnages. On arrive à créer des distanciations, même si en GN, tu as forcément des effets... Le terme anglo-saxon de bleed-in et de bleed-out, c'est-à-dire ton personnage qui influe sur toi et toi qui influe sur ton personnage, ça c'est important aussi sur la fin du jeu. Mais oui, forcément il y a plus ou moins d'effets selon les jeux de bleed-in, bleed-out qui existent, mais généralement tout le monde arrive à le gérer correctement et les organisateurs sont veillants là-dessus aussi, bienveillants et surveillants. J'ai une anecdote par rapport à ça. Je me souviens quand même avoir appris le Notre Père pour jouer un personnage ecclésiastique. Ça, j'aurais jamais appris ça dans une autre circonstance. Voilà. Et oui, du coup, par rapport à cette gestion, tu viens de parler du fait de sortir du jeu. Donc ça veut dire qu'effectivement, par rapport à ta question de quelque part de détruire le jeu à la fin de la partie, en fait c'est un travail collectif, c'est pas qu'un travail d'organisateur, c'est aussi un travail de joueur. C'est une bonne définition, oui, c'est un travail collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, toi tu vas sortir du jeu, et il est pour le bleed-in justement, quand le personnage rentre en toi vraiment, c'est important à un moment donné de bien distancier les choses. Effectivement, à un moment donné, c'est bien si sur un jeu où tu as eu un ennemi mortel qui t'avait volé tes frites au McDo quand tu avais 4 ans, c'est bien d'aller voir le joueur et puis de se rendre compte que c'est pas forcément un gros abruti et un gros con. Parce qu'effectivement, il y a toujours un joueur derrière ton ennemi mortel et que ça se trouve, c'est quelqu'un de très sympa et que la prochaine fois, tu serais super content que ce soit ton meilleur ami pour la vie. Donc, c'est vrai que généralement, les discussions d'après-jeu durent. Effectivement, chacun se remémore un peu les scènes de jeu, voir... Oh, quand tu m'as fait ça, je ne t'ai pas vu venir. Le coup de poignard dans le dos, magnifique. Je te remercie. Et donc effectivement, ça participe beaucoup à déconstruire le jeu, à en sortir et à revenir plus sur notre réalité. Mais parfois, les retours à la réalité sont relativement difficiles et pas forcément au point de vue psychologique juste des personnages. On va encore parler d'expérience personnelle. J'ai joué dans le sud, du côté de Millau. Donc sud Larzac, c'est bien paumé en campagne, sur un terrain scout, donc on, pas de voiture, pas de poteau électrique, enfin vraiment immersion pendant 3 jours, retour à la réalité, on fait 1 heure de route et on s'arrête à la station service de Millau avec le McDo et les Allemands en short. Et nous on était toujours en costume médiéval et à un moment donné tu ouvres la portière, tu regardes et tu fais ouf. Ah oui, quand même, c'est rude. Les camping-gars et les Allemands en short, c'était peut-être un peu trop fort comme retour à la réalité. On aurait dû s'arrêter ailleurs. Ah oui, non, puis même, moi, autre truc très pragmatique, c'est moi, dans le gène que j'ai fait, effectivement, on passait 5 jours dans les bois sans eau d'électricité. Quand tu prends une douche après, c'est pas transparent. Effectivement, on va arriver à la fin de ce podcast. On arrive à 55 minutes. Céline, tu avais une question, une interrogation? C'est-à-dire que pour toute cette saison, on a décidé de poser la même question finale à tous nos invités. Donc, cette question, c'est: est-ce que tu as un moment de jeu? Donc, en l'occurrence, ça peut être de GN ou de jeu de rôle, mais peu importe finalement. Un moment de jeu qui, toi, dans ta vie, t'a particulièrement marqué? Tu as le temps de la réflexion au cas où. Mais non, mais c'est le problème du géaniste. Le géaniste, les moments de vie particuliers, il en a une centaine. J'espère que tous les géanistes en ont des centaines. Parce qu'effectivement, sur chaque week-end, il y a au moins une scène de jeu qui va être mémorable et qui va te faire vivre quelque chose que tu n'auras pas forcément la chance de vivre dans ta vie. Alors moi, je vais vous parler d'une entrée de jeu. Puisque c'est la première fois pour moi que j'ai vécu une entrée de jeu si immersive et si immersive. J'étais bien préparé, j'avais bien lu mon bac, je maîtrisais tout, sauf que moi j'avais pas tout à fait bien lu la dernière ligne de mon bac. Je me souvenais pas que moi je commençais le jeu avec tout le monde. Je jouais un espion. Je vais recontextualiser la chose, paf. On est dans un jeu steampunk, Château Falkenstein. Et effectivement je joue un espion russe, un méchant, un grand méchant. Et moi je commence le jeu, je suis là sur couverture, je commence le jeu, j'entends du bruit dans ma chambre, et je suis dans le couloir et le jeu est lancé là-dessus. Tous les autres sont des personnages invités à mes fiançailles, avec une notable du coin, et tout le monde est en bas, dans le haut, les reçus par les parents de la fiancée. Je suis en haut, bip de jeu, de départ de jeu, l'orgameuse, vas-y, c'est à toi. Ah oui, c'est vrai, j'entends du bruit, j'ouvre la porte, je vois quelqu'un penché sur mon appareil qui me servait à envoyer mes messages secrets à la Prusse. Donc je me suis un peu surpris moi-même, c'est-à-dire qu'en 2 secondes, j'ai sorti le poignard que j'avais caché dans mon dos, j'ai poignardé la personne et le problème était résolu. Enfin, pas seulement du moins, mais effectivement, j'avais eu le réflexe, que j'estime approprié a posteriori, d'avoir poignardé le PNJ immédiatement, et après de me retrouver un peu embarrassé avec le corps, mais tout s'est bien déroulé par la suite, j'ai balancé le corps par la fenêtre, et mes hommes de main qui étaient présents ont dû se débarrasser du corps. Alors, je précise que je n'ai pas balancé le PNJ. Ils avaient prévu un mannequin, effectivement, qu'ils ont placé en bas de la fenêtre. Et après, les personnages non-joueurs qui jouaient mes hommes de main ont dû déplacer le corps et notamment passer devant une grande baie vitrée où étaient tous les invités, avec le corps. Donc effectivement, je crois que ça a été mon lancement de jeu le plus immersif. Effectivement, où l'adrénaline est montée à 4000 d'un coup et où tu te dis... Ça va, c'est bon, le jeu va bien se passer. Je suis chaud. Souple, chaud et pas encore fatigué. Voilà, donc c'est une de mes anecdotes préférées. Un excellent jeu, d'ailleurs, que la guilde envisage peut-être de réorganiser. Sur ces mots, on va donc quitter Xavier Bécarel, donc secrétaire à la Guilde de Bretagne de jeux de simulation. Nous, on se retrouve dans 15 jours, dans 2 semaines plutôt, pour un nouvel épisode de Ludologie. En attendant, jouez plein, jouez bien, jouez surtout tant qu'on a encore le droit. À bientôt.